j'ai refait tout mon setup de Reaper, Benji. Dis-moi si la bande son que j'ai envoyée, elle était cool, elle était propre, et si ma gratte était propre. Ah ok, ben, j'ai fait tout mon setup là de. J'ai mis le nouvel ASIO driver, c'est la version 11 que j'ai là, d'ASIO 4 là, la 2.11. Elle marche bien et j'ai trouvé un bon réglage, j'ai 5,5 millisecondes de latence. Et ça bug pas avec mes loops et ça bug pas avec la gratte là, ça a l'air bien. Un petit peu de Mozart pour se nettoyer les oreilles.